sur les cavaliers ou sur la personne qui venait sur le cheval blanc, c'est-à-dire sur le Seigneur Jésus. Sa personne nous est décrite d'une manière merveilleuse. Il y a néanmoins d'autres choses sur lesquelles j'aimerais référer dans quelques instants qui font partie de l'ensemble des événements qui sont traités dans ces passages. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par les milliers du ciel. Il dit, venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Voici le verset 19e, c'est la clé du passage qui est devant nous. Et la bête fut prise, et avec elle les faux prophètes qui avaient fait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassemblèrent, se rassasièrent de leur chair. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans, et les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus des nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ok, j'aimerais arrêter ici. Ces passages sont habituellement appelés la description de la bataille d'Armageddon. Alors, le premier passage nous décrit la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, ce que j'aimerais vous faire remarquer au verset 14e, quand il parle du verset 14, il dit son nom et la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Cette fois-ci, j'aimerais attirer votre attention non seulement sur la personne du Seigneur Jésus, mais sur l'armée ou les armées plutôt qui les suivent ici sur la terre. Alors, il les dit en pluriel. Ce sont des armées, alors on suppose, on va voir un jour assez rapidement pour pouvoir vérifier la réalité des choses, mais tout probablement que c'est tout d'abord des armées angéliques qui sont au service de Dieu et au service des saints, d'un côté, mais aussi que les saints, que les enfants de Dieu, ils sont aussi inclus dans ces armées-là. Ça, c'est un côté. Pouvez-vous vous imaginer le Seigneur Jésus venir avec les légions, les millions des anges à sa suite et les racheter qui les suivent? Ça va être une armée impressionnante. Sauf qu'il n'a pas parlé que de l'équipement de cette armée. Il n'y a pas question de canons, il n'y a pas question de fusils ou de revolvers ou de baïonnettes. Pas question de ça. De l'autre côté, au verset 19e, il nous dit ceci, « Et je vis la bête et les rois, encore en pluriel de la terre, en réalité, et tous les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur les chevals et à son armée. » Pouvez-vous visualiser le décan? Je crois que ça dépasse toute compréhension de voir une mobilisation du monde entier. Si je regarde l'Europe, les pays communistes, l'Asie, l'Afrique, les pays arabes, tout vraiment mobilisé et réuni pour combattre contre Jésus-Christ et les siens. C'est un peu amusant. Je dis pas ça, ce que je viens vous dire, ça, c'est pas amusant du tout. Mais tout à l'heure, je suis allé, j'ai monté au bureau pour chercher du scotch tape. Vous savez qu'est-ce que c'est du scotch tape? Pour accrocher cette carte-là. Puis j'ai trouvé sur mon bureau une lettre qui est arrivée après que je suis parti du bureau aujourd'hui. Alors, j'ai pris cette lettre. Oui, j'étais un peu curieux pour savoir qu'est-ce qui était dans cette lettre-là. Puis la chose qui a attiré mon attention, c'était le PS en bas de la lettre. Et le PS de la lettre disait que vraiment les enfants de Dieu, s'ils sont vraiment sages, ils vont se préparer, ils vont acheter de la nourriture déshydratée et ils vont emmagasiner cette nourriture déshydratée et ils vont aussi emmagasiner de l'eau et toutes sortes de provisions, se faire toutes sortes de provisions pour le temps de la grande tribulation. Mais vous voyez, ça c'est avoir de vivre comme ça, hein, avec une anticipation. Et faire toutes ces préparations, je sais que dans la dernière guerre, on faisait des abris, on amenait la nourriture dans les abris pour au cas où qu'on restait pris là pendant des semaines d'été. Puis on faisait ça parce qu'on n'avait pas l'espérance, hein, de l'enlèvement. Puis d'ailleurs, la guerre, c'est la guerre. Ce n'est pas enlèvement. Mais pour la grande tribulation, ça c'est quelque chose de différent. Nous savons, selon les Écritures, que nous n'y serons plus. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer encore quelque chose d'autre concernant ces passages. Au verset 15e, verset 15 et 16, vous allez remarquer que l'armure du côté du Seigneur Jésus, c'était que de sa bouche sortait une épée aiguë. Et c'est avec cette épée-là qu'il va frapper les nations et ensuite va les pétre avec une verge de fer et il foulera la cuve de l'ardeur, de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Hein? Alors, ça c'est une chose que je voulais vous remarquer. Maintenant, les versets 17 à 21, particulièrement le verset 19e, nous décrit qu'est-ce qui va se passer. C'est la description de la bataille d'Armageddon. Le monde, jusqu'à présent, a connu beaucoup, beaucoup de champs de bataille ou de grandes batailles. En Amérique du Nord, on parle de Waterloo, de Gettysburg. En Europe, on parle des autres guerres, des autres champs de bataille. En Europe de l'Est, peut-être les champs de bataille qui étaient les plus remarquables, surtout dans la dernière guerre, c'était Stalingrad, la bataille de Stalingrad. Parce que c'est à Stalingrad que les armées d'Hitler, de Axis d'Hitler, ont été arrêtées et que la situation de la guerre était renversée. Puis alors, on a fait beaucoup en Europe de l'Est de cette bataille-là, de ces combats à Stalingrad. Mais à travers de l'histoire de notre humanité, il y en avait beaucoup d'autres batailles qui étaient très importantes. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de cette bataille en particulier, la bataille d'Armageddon. Et j'ai pensé ce soir, peut-être la manière la plus simple de procéder, c'est de se poser quelques questions et d'essayer de répondre à ces questions. D'ailleurs, puisque nous venons vers la conclusion du livre de l'Apocalypse, j'aimerais bien essayer de terminer assez tôt pour que nous puissions prendre quelques minutes pour des questions sur ce que nous allons parler ce soir ou peut-être sur d'autres sujets dans l'Apocalypse, si vous en avez. OK. Tout d'abord, la première question que j'aimerais que nous regardions, c'est quoi vraiment Armageddon? Quand nous parlons d'Armageddon, de quoi nous parlons? Alors, si vous tournez maintenant dans vos Bibles, nous allons revenir un petit peu en arrière, et au chapitre 16e, au chapitre 16e, le verset 14e, nous lisons ceci, « Car ce sont des esprits des démons. » Parce qu'au verset précédent, il dit que de la bouche du dragon, il sortit, de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs. Okay? Je suis dans chapitre 16, verset 13. Maintenant, je m'en vais dans le verset 14. Il dit, semblable à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. J'aimerais vous faire remarquer, ce n'est pas juste quelques rois, ce sont les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, si j'étais pour décrire ou pour définir ces combats ou ces conflits, je crois que ce verset 14e les décrit d'une manière merveilleuse. C'est les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Si nous pouvons dire, en effet, c'est la guerre, comme il n'y avait pas eu une autre semblable, où tous les rois de la terre vont se converger sur un seul endroit, sur la Palestine. Et là, ils vont combattre d'abord l'un contre l'autre, mais ensuite ils vont combattre contre le Seigneur Jésus lui-même. Si je puisse dire que ces combats ou ces conflits probablement va commencer ou débuter dans la deuxième partie de la grande tribulation et va venir à sa conclusion ou à son point le plus haut à la fin de la grande tribulation. Les armées vont venir de tout partout, de différentes parties. Regardez maintenant le verset 16e. Le verset 16e nous dit, « Et ils se rassemblèrent, c'est tous les rois de la terre, se rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu, Armageddon. » Alors, nous allons regarder dans quelques instants. Dieu les juger, Dieu va les juger là où c'est la rencontre où Dieu va avoir, où l'on va rendre compte pour trois différentes raisons qui sont mentionnées. À cause de la persécution du peuple d'Israël, les nations qui vont se rassembler vont être jugées là. Joël chapitre 3e nous en parle de cet événement. La deuxième chose, nous lisons chapitre 19, le verset 15e, à cause de leurs péchés, de leurs crimes, ils vont être jugés là. Puis, à cause de leur incrédulité, ou si je puisse dire, à cause de leur refus de Dieu, chapitre 16 au verset 9e. Alors, grosso modo, si je puisse dire, c'est la bataille des batailles où toutes les nations de la terre vont se rencontrer pour combattre contre Jésus-Christ. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais regarder un peu avec vous, c'est où en réalité Armageddon. Dans les Écritures, il y a plusieurs descriptions ou plusieurs noms qui sont donnés à cet endroit. Mais c'est en réalité, si je puis dire, ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, la vallée de Jézreel qui commence à peu près ici de Nazareth, et en réalité, cette vallée-là, ici, il y a une petite chaîne de montagnes, mais qui s'étend jusqu'à Jérusalem, et qui va à peu près à 10 milles de la mer, puis aussi, ça va par là vers les montagnes. Alors, cette partie-là, c'est en particulièrement ce centre ici, ce serait géographiquement situé la vallée de Magédon, ou la vallée de Jézreel. Si on les regarde dans les descriptions qui sont données à différents endroits à travers les Écritures, quand il nous établit les ouest, les est, les nord et sud, ça nous donne à peu près une longueur de 200 kilomètres. Alors, vous pouvez vous imaginer un champ de bataille de 200 kilomètres. Et ça prend en réalité, je me pose des questions, comment dans la petite Palestine, toutes les armées qui sont même maintenant disponibles, vont pouvoir un jour entrer dans les derniers conflits. C'est en quelque sorte, c'est aussi appelé la vallée de Megiddo, qui commence à Nazareth, descend jusqu'à Jérusalem et un peu plus bas même. C'est très intéressant de constater aussi que cet endroit est vraiment un endroit stratégique et ce n'est pas seulement pour les futurs, pour cette dernière bataille, d'Armageddon, appelé comme ça, qui va vraiment, que le dernier conflit va avoir lieu. Parce qu'à travers des Écritures, par exemple, Déborah et Barak, c'est là qu'ils ont apporté la victoire sur les rois cananéens. Nous lisons dans les livres des Juges, chapitres 4 et 5. Nous trouvons aussi que Gédéon, c'est là qu'il a vaincu les rois madiens qu'il a remporté la victoire. Dans le même livre, le chapitre 7e, c'est aussi là que Saül, le roi, le premier roi d'Israël, était tué. C'est dans cet endroit-là qu'à travers des âges, les grands se sont réunis pour des combats. Nebuchadnezzar, la Syrie, Napoléon. Napoléon a connu cet endroit comme vraiment qui lui causait un désastre, parce qu'en partant d'Égypte et marchant contre la Syrie, c'est là qu'il était rencontré et vaincu. Les Juifs, les Gentils, hein, les Chrétiens, les Croisades, se sont déroulés, les combats se sont déroulés dans cette partie-là. Les Français, les Égyptiens, les Perses, les Drukas, les Turcs, les Arabes ont tous lutté dans cet endroit-là. C'est tellement un endroit stratégique où on peut dire que vraiment le nord, le sud, l'est et l'ouest se rencontrent. Et surtout dans les anciennes civilisations, cet endroit était extrêmement important pour les acheminements, pour les mouvements des armées et des troupes. J'aimerais que nous regardions ensemble juste quelques passages dans l'Ancien Testament. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé un petit peu des différentes directions des différentes armées, et à ce moment-là, j'ai dit qu'un jour, il faudrait que nous puissions regarder ensemble dans les prophètes Ézéchiel. Mais avant d'aller dans Ézéchiel, je voudrais que nous puissions lire Joël chapitre 3, les versets 2 et 13. Joël, et plus vous regardez cet aspect prophétique dans l'Apocalypse et le comparez avec les prophètes de l'Ancien Testament, particulièrement Daniel, mais Zacharie, Joël, Ézéchiel aussi, il y en a tellement de prophéties. Ésaïe en parle beaucoup sur les royaumes millénaires, mais sur ces crises, sur ces conflits, il y a beaucoup dans les prophètes Daniel. C'est vraiment quelque chose de remarquable de constater. Ok, si vous avez trouvé Joël, c'est ça? Chapitre 3, je vais commencer par les premiers versets où il dit « Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. » Alors, vous voyez, si vous lisez un tel passage, comme ici-là, c'est que la prophétie dans ce troisième chapitre de Joël ne pouvait pas être accomplie auparavant. Parce que, pour que cette prophétie soit accomplie, il fallait qu'Israël soit dispersé parmi toutes les nations. Et qu'après la dispersion parmi toutes les nations, Israël soit ramené à nouveau dans leur pays. Et ça n'existait pas avant 1948, aussi simple que ça. Oui. Alors, une des choses. Maintenant, tournez dans les prophètes Ézéchiel, c'est un peu plus facile de trouver, n'est-ce pas? Ézéchiel, chapitre 38. Puis, gardez un doigt sur cette place-là, parce que nous allons retourner dans quelques instants dans ces passages-là. OK, Ézéchiel, chapitre 38. Là, pour tout de suite, je vais vous lire juste deux versets. Le verset 9e d'abord. Et le verset 9e parle du roi Gog au pays de Magog. Le verset 9e, il dit, « Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir les pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. » Alors, imaginez-vous juste cet aspect-là qu'il est décrit concernant cette bataille. Hein? Au verset 16e, Il continue, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir les pays dans la suite des jours, c'est-à-dire à la fin. Alors ici, ce qui nous intéresse à ce moment-là, c'est l'endroit, n'est-ce pas? On se pose la question, où ça va être? J'aimerais vous faire remarquer dans la description ici au verset 16e, il dit que comme une nuée qui va couvrir les pays, pas juste un endroit particulièrement spécifique dans les pays, mais cette armée vont être si grande et si vaste qu'en réalité, ils vont inonder les pays d'Israël dans toute sa grandeur. OK. Alors, si je pose la question, c'est quoi Armageddon? Est-ce que c'est clair dans vos pensées? Non? OK, la première question, c'était, c'est quoi Armageddon? Et nous avons dit, c'est un conflit où toutes les nations de la terre vont converger à Israël pour combattre contre une autre armée dont nous avons lu dans le chapitre 19e, contre le Seigneur Jésus en particulier, ce n'est pas les autres qui vraiment les intéressent, mais c'est la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, ça c'est l'Armageddon, c'est ce conflit à la fin de la Grande Tribulation. Où ça va être? Ça ne va pas être à Montréal, ni à Québec, même pas à New York, ni en Floride. Ça va être en Israël, et d'une manière tout à fait particulière, il appelle ça la vallée de Jéhoshaphat, ou la vallée de Jisraël, ou Armageddon. Okay? Maintenant, la troisième chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est qui sont les participants, ou que, si je puis dire, comment ça va se dérouler, qui va être là. Quand vous avez un théâtre, un spectacle, alors avant que le spectacle commence, il faut avoir les joueurs, n'est-ce pas? Il faut avoir les personnages. Et ici, c'est un petit peu semblable à ça. Ça nous prend des personnages. Tout à l'heure, gardez votre place dans Ézéchiel chapitre 38, vous allez avoir moins de difficultés de les trouver tout à l'heure. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, tout à l'heure, quand nous avons lu, dans le chapitre 16e, et le chapitre 16 commence à parler de ce conflit en question devant nous ce soir. Alors, dans le chapitre 16e, nous avons pu remarquer, au verset 13e, il nous parle d'un personnage qu'il appelle les dragons. Vous rappelez-vous la description ou l'identité du dragon? Chapitre 12e, il l'identifie les dragons comme étant Satan lui-même. Maintenant, dans les chapitres 16e, verset 13e, il y a quelque chose de très intéressant que nous trouvons, c'est-à-dire, c'est qu'il y a de la bouche du dragon, de la bête et de la bouche du faux prophète, ils sortent quoi? Trois esprits impurs. Trois démons, trois esprits diaboliques qui sortent et qui ont une mission à accomplir. N'est-ce pas? Ils ont une mission à accomplir. Ils s'en vont et ils se présentent ou ils parcourent la terre et les chefs des gouvernements. Il les appelle ici des rois. Évidemment, tous les pays aujourd'hui n'ont pas des rois, mais chacun des pays a quelqu'un à la tête, un chef ou un souverain. Mais ils s'en vont vers les souverains et ils les incitent, ils les provoquent pour embarquer dans la guerre. Et là encore, je ne pense pas que ce conflit va... Ça va nécessairement venir comme, si je puis dire, comme un éclair qui d'un coup sec, tout le monde va être là. Je crois que ça va prendre certainement un certain développement, des préparatifs. Peut-être tout le monde ne va pas embarquer au même temps. Je me rappelle à la dernière guerre, ça a commencé bien tranquillement. Hitler a commencé avec l'Autriche en 1938. Puis après ça, il est venu vers la Tchécoslovaquie. Il a passé par la Tchécoslovaquie. Il dit, eh bien, vous êtes avec un petit pays comme ça, là, pas la peine de s'amuser avec ça, on a encore pour ça dans les Reich. Mais après ça, c'était plus grand. Après ça, c'était la Pologne, hein? L'Hongrie. Après ça, c'était la France. Il n'était jamais, jamais satisfait. Il y avait d'autres pays qui commençaient à gratter la tête. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'Angleterre était dans la guerre. Les États-Unis, ça leur a pris du temps de décider. N'est-ce pas? Il me semble qu'il va y avoir des mouvements semblables. Vous voyez, un développement, si je puisse dire, graduel, qui va néanmoins venir et terminer à un conflit là, à Jérusalem, en Palestine. Mais un autre passage dans ce domaine-là que j'aimerais vous faire remarquer, c'est le psaume 2. Psaume 2. Je ne sais pas si vous connaissez le psaume 2, mais sinon, il y a des choses à vous faire remarquer dans le psaume 2. Parce qu'au verset 1er, psaume 2, verset 1, il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Là, nous savons d'où viennent leurs vaines pensées. Parce que nous avons vu que Satan, les dragons, va envoyer des esprits impurs pour les inspirer. Puis alors, il dit, ces vaines pensées parmi les peuples, parmi les nations, il dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son voix? Vous voyez, ce n'est pas la guerre vraiment, une nation contre une autre nation. Le conflit ne sera pas dirigé, les Russes contre les Américains. Le conflit sera dirigé, les conflits de tous les rois de la terre vont finalement vouloir régler et s'en débarrasser de Jésus-Christ et de son influence. Alors, ce psaume deuxième, d'une manière prophétique, il décrit encore ce dernier conflit. Ok. Si nous regardons les participants dans ces conflits, là, j'aimerais que vous reveniez tout d'abord dans Ézéchiel, le chapitre 38e. Et peut-être, la manière la plus simple, je vais faire la lecture. Je vais faire la lecture, puis je vais commenter de temps en temps. Voici, verset 1er, il dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, c'est souvent comme ça que le Seigneur s'adresse aux prophètes, qu'il les appelle comme ça, « Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. » Gog, au pays de Magog, je regarde sur la carte, on ne trouve pas ça aujourd'hui sur nos cartes nécessairement. Il faut regarder dans les pays, dans les cartes un peu plus anciennes. Mais nous allons revenir. Il dit, vers les princes des Roches et des Méchecs et des Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince des Roches, des Méchecs, des Tubal. Je t'entraînerai et je te mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tout vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant les grands et les petits boucliers, tous maniés à l'épée, et avec eux, ceux des Perses et d'Éthiopie et des Peuls, tout portant les boucliers et les casques, Gomer, et toutes ses troupes, la maison de Togorma à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Ok. Il y a certaines choses dont je suis sûr. Première chose qui est très simple et qui me met sur la piste, c'est qu'au verset 6e, il parle de l'extrémité du septentrion. Septentrion, c'est quoi en français aujourd'hui? Le nord. Alors, si vous partez nord de Québec, où est-ce que ça vous amène? en pôle Nord. Mais il ne parle pas de Québec. Il parle de qui? De quel endroit? Il parle de la Palestine. Et si vous partez de la Palestine et vous allez au nord, le nord de Jérusalem, savez-vous est-ce que ça va vous amener? Ça va vous amener à Moscou. Bon, alors, si je pars, si je prends juste cette petite indice, et si je vais de Jérusalem directement au nord, je m'en vais en Russie. Puis déjà, ça m'aide à comprendre, parce que là, Gog au pays des Magog, ça c'est l'ancien nom pour la Russie. Et la Gomer, ça c'est l'ancien nom pour ce qu'en anglais on appelle Germany. N'est-ce pas? Alors, il y a des noms, au fond, des pays, les noms qui ont changé à travers des années, mais qui quand même, les peuples ou les pays existent encore. Mais ce qui est très intéressant, très très intéressant, parce que ces deux derniers versets que je vous ai lus nous disent ceci. Tout d'abord, il nomme les différentes nations. Il dit ensuite que ces nations se trouvent, que les chefs de ces nations se trouvent où? Les chefs de ces nations se trouvent où? Se trouvent à l'extrémité du septentrion, à l'extrémité du nord. Il dit, toi, tu es leur chef. On dirait que Ézéchiel a vécu au XXe siècle, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que tous les satellites, tous les pays communistes, leur Mecca ou leur Rome, c'est Moscou. C'est Moscou qui leur dit quoi faire. Quand la Moscou dit saute, ça saute. Quand Moscou dit s'assied, on s'assied. Alors, je crois que, okay, je ne vais pas prêcher sur Ézéchiel 38, mais je voulais attirer votre attention là-dessus. Maintenant, le verset 8e, il dit, « Après bien des jours, tu seras à leur tête. » Pas tout de suite, mais après bien des jours. Dans la suite des années. Cette expression-là est une expression qui est employée pour décrire à la fin des temps. Okay. Alors il dit, dans bien des jours, c'est vrai, c'est longtemps depuis que Ézéchiel a écrit ça, ça fait quoi, 500 ans. Alors, depuis que c'était écrit, donc bien des jours se sont passés, la suite des temps, la fin des temps, c'est vrai. Alors, il dit, tu marcheras contre le pays. Remarquez, il n'a pas dit contre un pays, mais contre le pays, lequel, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Est-ce qu'on a besoin de deviner, d'interpréter ou de je ne sais pas quoi? C'est écrit noir sur blanc. Hein? Rassemblé d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, qui étaient longtemps comme ça. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir les pays. Parle de la des nombres de personnes qui vont être avec lui. Toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur, en ces jours-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras des mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur les hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous des habitants, sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte, j'irai faire du butin et me livrer au pillage. On se pose parfois la question, pourquoi en réalité, qu'est-ce qui va attirer ou qu'est-ce qui peut attirer les nations de venir et de se livrer à des combats si spectaculaires que ce que nous venons de ce qu'il est décrit. Mais tout d'abord, j'aimerais vous faire remarquer que souvent, dans des conflits, on ne peut pas rationaliser pourquoi les gens font de certaines choses. Quand ils sont pris vraiment, quand ils sont entraînés par des raisons, des motifs qui sont toutes sortes. Néanmoins, nous savons par qui ils vont être entraînés. Ils vont être entraînés par les dragons, par Satan. Mais de l'autre côté, vous savez que les Moyen-Orient, à Moyen-Orient, il y a énormément de richesses naturelles, pétrole, qui deviennent de plus en plus indispensables. Vous avez juste à vous mettre sur la route ou regarder des avions et voir tous ces milliers, des millions d'automobiles et tout qui marchent, qui a besoin de pétrole. Et si jamais de ces pays-là, on dira, bien, on arrête à fournir le pétrole, puis il y a des nations qui vont dire, une minute, là, tu vas nous donner le pétrole, ou alors, quelque chose va lâcher. Hein? Alors, mais ça c'est secondaire. Je crois que la raison principale, qu'est-ce qui va les amener si c'est le pétrole? Mais c'est vraiment l'Antéchrist qui va les, plutôt les mauvais esprits, l'esprit des Satan qui va les amener là-bas. Puis si vous regardez verset 14 par exemple, au verset 14e, en réalité, il faudrait lire tout simplement les chapitres 38 et 39. Je vous ai dit que je voudrais vous donner une occasion de poser des questions, mais je vois que le temps s'en va. Alors, je ne vais pas proposer de faire toute la lecture de ces deux chapitres. Mais au verset 14e, il dit, « C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, les jours où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu les sauras. Alors, tu partiras de ton pays des extrémités du septentrion. » Toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir les pays dans la suite des jours. Je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, afin que je serai sanctifié par toi sous leurs yeux. Au Gog. Alors, si je regarde, nous avons déjà une direction qui nous est donnée, c'est-à-dire les nord et les pays satellites qui sont avec la Russie. En même temps, j'aimerais dire qu'il y a une autre chose qui va venir au chapitre 17e, Apocalypse, chapitre 17. Il faut que j'arrête dans... Est-ce que c'est correct là si on laisse Ézéchiel 38-39? Est-ce que c'est suffisamment clair? C'est très intéressant de lire ces deux chapitres. Une petite parenthèse pour vous réveiller. Un jour à Dijon, il y avait un jeune homme qui était intéressé à l'Évangile, alors j'ai... pensée de pouvoir susciter en lui ce désir des Saintes Écritures. Alors j'ai pris le chapitre 38e, chapitre 36 d'ailleurs, 36, 38 et 39, et je lui lisais. J'essaie de lui expliquer ce qu'est vraiment la parole de Dieu prophétise. J'étais tellement surpris parce qu'il m'écoutait avec la bouche ouverte. Ah, je l'ai regardé, puis j'ai commencé à me réjouir. J'ai dit, là vraiment le Seigneur travaille dans son cœur, il va se convertir. Savez-vous, quand j'ai fini, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ça ferait tout un film. Ma balloune était dégonflée. OK. Nous avons dit chapitre 17e. Et là, j'aimerais vous rappeler... Tout simplement, peut-être ça va aller un peu plus vite si on se rappelle de certaines choses dont nous avons parlé. Vous rappelez-vous que dans les chapitres 13e, quand nous étions dans les chapitres 13e, nous avons vu une bête qui sortait de la mer. Nous avons dit que la bête qui sortait de la mer, c'était l'Antéchrist qui sortait et qui unit les nations. À ce moment-là, nous avons dit que du pays de l'ouest d'Israël, c'est-à-dire l'Europe, il va avoir une nouvelle naissance ou une renaissance de l'ancien empire de Rome, ou une fédération européenne, ou les États-Unis d'Europe. Et nous avons vu également qu'il va avoir 10 ces royaumes fédérés des 10 pays européens. Et nous avons dit aussi que ces pays existent déjà et qu'ils sont tenus ensemble par un traité de Rome qui était signé à Rome en 1948. Puis il nous parle dans différents endroits. Alors, l'Antéchrist va aussi avoir ses intérêts dans la Palestine. Au début de la Grande Tribulation, il va signer un traité, un pacte de paix avec Israël. Alors Israël va se sentir vraiment en sécurité, imaginez-vous, protégé par une puissance aussi grande que c'est homme spectaculaire, ce roi spectaculaire qui va venir, l'Antéchrist. Il ne va pas s'appeler comme ça, ça va être un Néron magnifique pour les hommes. Alors imaginez-vous, tout d'un coup, Israël va se sentir en sécurité. Mais au milieu de la semaine, il va briser les pactes qu'il avait fait en Israël. Et nous avons vu que les royaumes du Nord, les pays du Nord, vont venir vers Israël. En même temps, nous lisons aussi que les royaumes du Sud vont venir et vont se confronter avec le Nord et le Sud en Palestine. Quand le West va voir ça, là, communauté européenne, antéchrist, les rois appellent dans les livres de Daniel, il est décrit, si vous voulez regarder, le chapitre 11, Daniel 11, versets 40 et 45. On va lire ça vite, ok? Parce que ça, c'est un passage très important. Chapitre 11, les versets 40. Il faudrait lire un peu plus, peut-être, que j'aimerais vous faire. Au temps de la fin, un langage semblable à ce que nous avons lu dans Ézéchiel, n'est-ce pas? Parce qu'il parle de la fin. Au temps de la fin, les rois du Midi se heurtera contre lui. Et les rois du Septentrion fondra sur lui. Alors, vous voyez, nous avons trois puissances mentionnées déjà. Daniel, chapitre 11, verset 40. OK? Êtes-vous avec moi? Je répète. Au temps de la fin, les rois du Midi se heurtera contre lui et les rois du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans les plus beaux des pays et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, les pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens, les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, entre la mer Morte et entre la mer Méditerranée. Hein? Alors, son palais entre sur la glorieuse et sainte montagne, juste au cas où qu'on n'a pas compris la première description. N'est-ce pas? La sainte montagne, c'est où? Jérusalem. Puis, il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Alors, ça c'est pour cette partie-là. Alors, nous voyons les Nord, on parle du Sud, maintenant il parle aussi de l'Ouest, l'Antéchrist. Alors, il reste juste encore un autre pays que nous n'avons pas encore mentionné, chapitre 16e de l'Apocalypse, pas les pays plutôt, ou une partie du monde. Chapitre 16e, où il nous dit au verset 12e, chapitre 16, 12. Le sixième versa sa coupe et le grand fleuve d'Euphrate, sur le grand fleuve d'Euphrate, et son nom tarit, afin que le chemin des vins venant de l'Orient fût préparé. L'Orient, c'est Est. Nous avons lu aussi tout à l'heure dans Daniel, il nous parlait de l'Est. Alors, imaginez-vous, la Chine, les Indes, Japon, et tous les pays de l'Asie, le Nord, le Sud, l'Europe, une confrontation. Je crois que, initialement, ils vont aller là pour les combattre les uns les autres. Mais à la fin, le Seigneur Jésus va paraître. Ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers. Et quand ces nations qui vont être là pour combattre l'une contre l'autre verront Jésus-Christ, ils vont se réunir, lier ensemble pour combattre contre Jésus-Christ. Et là, à ce moment, ça va faire le monde entier une armée contre la personne du Seigneur Jésus. Et c'est ça que nous trouvons dans l'Apocalypse chapitre 19e. J'aimerais vous faire remarquer ce que nous avons lu tout à l'heure. Et j'ai vu la bête. La guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Alors, vous voyez toute cette mobilisation? Quel est le conflit? Comment ça se déroule? Cette guerre-là ne va pas durer 6 ans comme la dernière guerre. Même pas 6 jours. Comme à 67. Parce que le Seigneur Jésus va les détruire. Comment? Par les souffles de sa bouche. Oui? Il va les détruire par les souffles de sa bouche. Puis après le verset 20e, nous dit, et la bête fut prise et avec elle les faux prophètes. Puis ils ont été jetés vivants dans l'étang ardente des feux et des soufres. Et les autres, verset 21, furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Il n'aura pas besoin de nous autres. Il est capable encore. Quel vainqueur merveilleux. Ok. Je vous ai dit que on vous laisserait 3 minutes pour questions. Si elles ne sont pas trop difficiles. Oui, frère. Je ne pense pas que c'est vraiment une épée à... comment dirais-je, une épée à métal. Hein, parce que nous trouvons quand même dans Apocalypse chapitre 1er et ici quand il nous décrit la personne du Seigneur Jésus, il nous écrit quand même une personne divine, Dieu, n'est-ce pas? Alors, par la parole de Dieu, les cieux et la terre furent créés. Par la parole de Dieu, elle subsiste encore. Par la parole de Dieu, il va être le vainqueur sur la nation. Je ne pense pas que ça va prendre vraiment des machinations de ses mains. Le Seigneur en dira un mot. Quand il était sur la croix du calvaire, quand il était moqué, quand il était défié, il dit, j'aurais pu demander. Par un mot, il aurait pu anéantir tout ce qui était autour de lui. Je crois que là, ça va tout simplement pour nous dire vraiment faire ça. Ça va être fait. Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Oui, Nicole. Là, je ne vous écoute, je ne vous entends pas. Est-ce que tous les Juifs vont retourner en Israël? En réalité, je voulais dire une des choses que je voulais dire ce soir, que pendant cette période-là, c'est vraiment la nation d'Israël va être purifiée. Que tous les pécheurs, autant dans la nation d'Israël, n'est-ce pas, que dans, parmi les nations, vont être vraiment exterminés, vont être tués. Alors la nation d'Israël, la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul dit aux Romains, que seulement un reste sera sauvé. Et au fond, les rebelles, c'est le mot qui est employé, les rebelles seront exterminés. Et tout probablement qu'à ce moment-là, ça va être tellement attirant que tout Israël, tous les Juifs vont être en Palestine. Peut-être, ce n'est pas marqué nécessairement, une nécessité absolue. Je ne peux pas vous le garantir si tous les Juifs qui sont là, qui existent, qui vivent sur la terre, vont être de retour en Israël. D'autres choses? Oui. Les prophéties s'accomplissent. Si vous êtes dans Ézéchiel, c'est vraiment merveilleux de voir combien de beaucoup de prophéties se sont accomplies à leur égard. Oui, M. Perron. Oui, sur le traité de Rome de 1900. Pardon? Oui, ça va vers la direction définitivement, n'est-ce pas, là? Communauté européenne. Ouais. Il y a des choses qui sont très intéressantes à observer quand vous regardez dans les journaux des choses qui ont vraiment à faire avec la prophétie des Saintes Écritures. Mais j'aimerais vous dire ceci. Je crois qu'il y a un danger qui... auquel il faut faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se développent. Vous allez voir, il y a même beaucoup de traités ou des écrits qui vont arriver à toutes sortes de conclusions. Comme par exemple, vous rappelez-vous, l'alignement des planètes en 1982. Vous voyez? Alors, et des vautours en Palestine, et toutes sortes d'affaires qui... les gens sortent avec toutes sortes d'affaires. Toutes sortes, et ils sautent à des conclusions. Je ne pense pas que nous devons aller au-delà de ce que la parole de Dieu nous dit, si nous voulons être vraiment sur une base solide. Ok, je crois que j'aimerais arrêter ici parce que nous sommes venus ici ce soir, non seulement pour parler d'Armageddon, mais aussi de prier ensemble. Puis j'aimerais, pendant que notre frère Terry arrive pour vous faire les annonces, j'aimerais souligner que...